Apprendre à faire des comparaisons en espagnol est assez facile. Si vous voulez dire que quelqu'un est plus intelligent que quelqu'un d'autre, vous emploierez « es más inteligente que ». Moins intelligent que serait « menos inteligente que ». Et si le plus intelligent se dit « el más inteligente », comment direz-vous « le moins intelligent » ?« El menos inteligente ». El menos inteligente. Voici une particularité. Dans la construction, Roberto est le garçon le plus grand de la classe. On ne traduit pas le mot « le » en espagnol. On a donc « Roberto es el chico más alto de la clase ». Littéralement, Roberto est le garçon plus grand de la classe. Dites-moi maintenant, Carmen est la fille la plus sympathique de la classe. Carmen es la chica más simpática de la clase. Carmen es la chica más simpática de la clase. Maintenant, si mieux se dit mejor, M-E-J-O-R, et celui-là, S-E, E-S-E, comment direz-vous ce livre est mieux que celui-là? Este libro es mejor que ese. Este libro es mejor que ese. Vous auriez pu aussi utiliser « aquel » A-Q-U-E-L pour dire « celui-là » si le livre en question était assez éloigné de vous. « Celui-là » peut donc se traduire par « essai » ou « aquel ». Tout dépend du degré d'éloignement de la chose désignée. Si elle est un peu éloignée, on utilise « essai ». Et si elle l'est beaucoup plus, « aquel ». Pour dire « celui-ci », c'est-à-dire « pour désigner un objet qui est proche de nous, on utilise « este », « e-s-t-e ». Donc, du plus proche au plus éloigné, on a « este »,« ese », »,« aquel », avec leur forme correspondante au féminin et au pluriel. Comment diriez-vous maintenant en utilisant « peor », « p-e-o-r » et « el suyo » pour « le sien »,« mon travail » est pire que le sien. Mi trabajo es peor que el suyo. Mi trabajo es peor que el suyo. Et si petit se dit pequeño, comment diriez-vous? Ma voiture est plus petite que la sienne. Attention au mot voiture. Mi coche es más pequeño que el suyo. Vous aviez dit pequeño, n'est-ce pas? Pour dire le meilleur, vous emploierez el mejor, comme dans le meilleur de tous, el mejor de todos. Donc, comment diriez-vous, votre voiture est la meilleure? Su coche es el mejor. Su coche es el mejor. Traduisez-moi maintenant, en utilisant le passé avec plongeoir, c'est le pire résultat qu'il a eu. Es el peor resultado que ha tenido. Es el peor resultado que ha tenido. Comment diriez-vous maintenant, en utilisant yo pour moi, Carmen est plus préparée que moi? Carmen está más preparada que yo. Carmen está más preparada que yo. On utilise está car l'on décrit ici le résultat d'une action. On constate qu'elle est plus préparée que nous. Mais on ne s'intéresse pas à ce qu'elle a fait avant pour être préparée. On se centre juste sur le résultat. Comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez, Carmen est plus belle que vous? Carmen es más guapa que usted. Carmen es más guapa que usted. Es, car l'on décrit ici une caractéristique de Carmen. En utilisant menos que et yo pour moi, dites, il a moins d'argent que moi. Tiene menos dinero que yo. Tiene menos dinero que yo. Moi peut se dire yo ou mi, M, I, accent aigu. Mais on utilise mi seulement quand il complète le verbe. Il est donc alors souvent précédé des mots comme para, de ou a. Par exemple, si l'on dit Il est en train de parler de moi, moi, précise de qui on parle. Donc, complète le verbe parler. On a alors « está hablando de mí ». Dans notre exemple, il a moins d'argent que moi. On utilise « yo » car on sous-entend en fait « il a moins d'argent que moi, j'en ai ». Donc, « moi » est le sujet du verbe « avoir ». Et on emploie « yo » dans ce cas en espagnol. Maintenant, si vous voulez dire « il est aussi grand que moi », vous utiliserez la construction « tan como » pour dire « aussi que ». « Tan como » s'écrit en deux mots. « Tan » T-A-N, et plus loin, como, C-O-M-O. Traduisez-moi alors la phrase que je viens de dire. Utilisez pour cela alto, A-L-T-O, pour grand. Il est aussi grand que moi. Es tan alto como yo. Es tan alto como yo. Dites-moi maintenant, elle est aussi intelligente que son frère. Es tan inteligente como su hermano. Es tan inteligente como su hermano.